dans cette édition grandiose de La Connexion. Les journalistes de Montréal sont victimes de vols d'identité. Oh oh! Bill Gates va aider les citoyens du Myanmar. Yeah! Un projet de loi pour réglementer les jeux vidéo aux États-Unis. Chou! Et les pirates causent des crises d'épilepsie. Ouh! Tout ça et plus tout de suite. Bouh! C'est l'heure du jeu. Mardi 13, jeudi 15 ou lundi 19 mai 2008, bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante et chaque semaine, pendant deux heures, je vous parle des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus. Dans quelques minutes, on va faire le fil, le bloc F5 informatique. Oui, dis-je bien. On va parler entre autres de Microsoft qui fait appel de l'amende européenne de 899 millions d'euros et du nom de domaine America.com qui est mise aux enchères. Mais avant ça, voici une pièce de Man Man sur le palmarès anglophone de C'est fou, c'est The Ballad of Butter Beans. Tout de suite! Restez là! Il y a des fées clochettes partout! So rock! La formation Man Man avec The Ballad of Butter Beans de leur album qui s'appelle Rabbit Habits. À la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Maintenant, c'est le bloc F5 informatique. Donc, on parle des nouvelles qui ont marqué le monde des ordinateurs depuis les 7 derniers jours. La fondation de Bill et de Melinda Gates a annoncé qu'elle viendra en aide aux citoyens du Myanmar ou la Birmanie, dévastés par le passage du cyclone Nargis le 2 mai dernier. L'organisme caritatif fondé par le président de Microsoft et son épouse versera 3 millions de dollars aux organisations Mercy Corps, World Vision et Care afin qu'elles puissent aller là-bas et apporter leur aide dès que possible. C'est ce qu'a déclaré Bill Gates lors d'un entretien avec l'agence Associated Press. Une équipe de Microsoft sera également chargée de mettre en place un logiciel permettant la création d'une base de données pour les personnes portées disparues. Ce système a déjà été utilisé à deux reprises, soit après le tsunami dans l'océan Indien en 2004 et après l'ouragan Katrina en 2005. En juillet prochain, on rappelle que Bill Gates quittera ses fonctions de directeur technique de Microsoft pour se consacrer davantage à sa fondation. Et il restera tout de même président de l'entreprise qu'il a cofondée en 1975 avec Paul Allen, mais agira surtout à titre de conseiller spécial. L'article vient de branchezvous.com. Toujours au sujet de Microsoft, ils ont annoncé qu'ils faisaient appel de la décision de la Commission européenne d'imposer une amende de 899 millions d'euros aux géants de l'informatique pour non-respect d'une décision antitrust. Microsoft a déposé auprès du tribunal de première instance un recours afin d'annuler la décision de la Commission datant de février. L'Union européenne a infligé une amende record de 899 millions d'euros à Microsoft en février dernier, au motif que le géant américain de l'informatique ne s'est pas conformé à la décision antitrust de la Commission datant de 2004. Cette amende est la plus importante jamais infligée à une entreprise seule et la première condamnation en Europe d'une société pour ne pas s'être conformée à une décision antitrust. Toutefois, ce montant ne représente que 60% du montant maximum que la Commission aurait pu réclamer. Toujours au sujet de Microsoft, le président du géant des logiciels de Microsoft, Microsoft, Bill Gates, a assuré que le groupe n'étudiait pas de nouvelle offre d'achat après le retrait de son offre sur Yahoo. Il a affirmé que son groupe avait fait beaucoup d'efforts au cours des discussions avec Yahoo et qu'il avait décidé que les deux sociétés devaient suivre chacune leur chemin. Microsoft a retiré son offre d'achat non sollicitée sur Yahoo faite il y a 3 mois, car les deux groupes n'arrivaient pas à s'entendre sur un prix. Maintenant, à ce stade, Microsoft est concentré sur sa stratégie d'indépendance, a déclaré Bill Gates à des journalistes. Après le report la semaine dernière de la sortie du service Pack 3 de Windows XP, Microsoft l'a finalement mis à la disposition des internautes. L'ensemble des modifications provisoires, ce qu'on appelle un service Pack, est envoyé par les mises à jour automatiques Windows Update. Il est également disponible sur le site de Microsoft. Microsoft avait au départ planifié de publier son SP3 le 29 avril, mais Microsoft avait repoussé cette sortie, affirmant qu'un problème de compatibilité avait été découvert entre Microsoft Dynamics Retail Management System, un outil pour les petites et moyennes entreprises, le SP3 de Windows XP. Ce problème n'est pas encore résolu, par contre, si bien que l'outil de mise à jour automatique de Microsoft n'enverra pas le SP3 aux clients qui utilisent Dynamics RMS. Microsoft travaille encore à trouver un correctif pour régler ce problème. L'article date du 7 mai. Si vous voulez aller sur le site de Microsoft, en fait, passez par lunechance.com. Il y a l'article qui s'appelle « Le SP3 de Windows XP est disponible ». Vous cliquez là-dessus et puis il y a le lien dans l'article. Bon. Le fabricant américain d'ordinateurs Dell dévoile de nouveaux modèles Inspiron 1525 au boîtier incrusté des œuvres de l'artiste américain Mike Ming. Après avoir ajouté de la couleur au boîtier de ses ordinateurs portables, Dell se lance maintenant dans l'édition design de ses boîtiers. La première vague de ce nouveau créneau du fabricant déferlera d'abord sur l'Inspiron 1525. Dell offre dès maintenant aux consommateurs américains 2 modèles de boîtiers différents pour ce portable incrusté des œuvres de l'artiste américain Mike Ming. Ming, qui a surtout vu ses œuvres reproduites jusqu'à présent sur des planches de surf ou de skate, s'inspire de sa passion du surf et des vagues pour créer ses œuvres. Dell, qui a fait sa marque en offrant à ses consommateurs des ordinateurs sur mesure, prévoit bonifier son offre d'ordinateurs portables tatoués d'ici le mois d'août, présentant des œuvres d'artistes variées. De plus, Dell offrirait également aux consommateurs la possibilité de personnaliser le boîtier de leur ordinateur portable. Pour ce faire, le client pourra envoyer l'œuvre au fabricant qui se chargera de le reproduire sur le boîtier. Les ordinateurs portables Dell Art Series, disponibles pour le moment seulement aux États-Unis, se vendent à partir de 700 $ US. Aucune date de sortie n'est prévue pour le Canada, a confirmé Dell. Donc, l'article vient de branchezvous.com. Après MySpace, c'est au tour de Facebook de permettre à ses utilisateurs d'exporter leur profil au lendemain de l'annonce faite par MySpace permettant dans les semaines à venir d'exporter des éléments de son profil vers eBay, Twitter et des sites de Yahoo, et bien voilà que le concurrent de MySpace, Facebook, s'engage dans la même voie. Dans les semaines à venir, donc, Facebook permettra à ses 70 millions de membres dans le monde d'exporter des éléments de leur profil, comme leurs photos, leurs informations et leurs applications, vers n'importe quel site qui accepte de les héberger. Contrairement à MySpace, qui limite pour le moment cette initiative à un certain nombre de sites, Facebook l'ouvre au plus grand nombre. Et je cite, « Nous croyons que l'évolution prochaine de la portabilité des données consiste à offrir aux utilisateurs la possibilité de déplacer leur identité et leurs amis partout sur le web, tout en étant assurés que leur information est à jour et toujours protégée par leurs paramètres de confidentialité. » Par ailleurs, Google annonce le lancement de Friend Connect, qui permet aux utilisateurs, aux administrateurs, pardon, de sites Internet d'ajouter à leur site des applications sociales, permettant notamment de voir, d'inviter et d'interagir avec ses visiteurs ou avec des contacts de Google Talk ou des réseaux sociaux tels que Facebook, i5, Orkut et Plaxo. Plus de détails, si vous le voulez bien, sur la page Friend Connect de Google qui est au google.com/friendconnect. Un cinéaste canadien s'adresse aux internautes pour financer son film Une image à la fois. Casey Walker, qui œuvre dans le milieu du cinéma depuis une dizaine d'années, a tenté en vain de trouver du financement pour son film. Après s'être rendu plusieurs fois à Hollywood pour y chercher des appuis, il a eu l'idée de suivre les traces d'Alex Tu, un Britannique ayant lancé un site qui s'appelle Million Dollar Homepage, sur lequel il vendait des pixels. Les pixels de son site à des publicitaires, vous vous en souvenez peut-être. Walker a donc lancé son propre site qui s'appelle My Million Dollar Movie, sur lequel il vend les images de son film au coût de 10$ chacune. En échange, Walker donne de la visibilité à ses donateurs sur son site et chacun d'entre eux figureront au générique en tant qu'assistant producteur. Walker, qui espère réunir 1 million de dollars, a jusqu'ici réussi à ramasser un peu plus de 170 000 $. L'article date de jeudi, le 8 mai. Produit par le Québécois Richard Ostigui, Free For All But You est une comédie traitant de la complexité des relations modernes ainsi que des motifs insensés qui alimentent la quête d'amour. Peut-on lire sur le site de Casey Walker? Si le film est un succès, 50% des profits iront aux investisseurs, répartis selon le nombre d'images achetées, tandis que l'autre moitié sera utilisée pour payer la maison de production, les comédiens et les techniciens. Le groupe Nine Inch Nails fait de nouveau parler de lui après avoir testé plusieurs modes de distribution sur le web pour leur musique et avoir fait dans la provoque. Le groupe dévoile sur le web son dernier album intitulé The Slip. Cette fois-ci, le groupe ne réclame pas le moindre cent pour acquérir cet album exclusivement publié sur le web. En effet, The Slip est proposé via une licence Creative Commons, donc entièrement gratuit. L'album peut être téléchargé en MP3, en FLAC ou en M4A lossless, sans aucune perte sonore, mais également en qualité CD, en Wave. Cet opus est accompagné d'un fichier PDF qui contient des photos et des informations sur chaque morceau. Le groupe précise que cet album sera également disponible en juillet sur CD et sur vinyle. Pour le téléchargement, le site ne réclame qu'une simple adresse email et s'engage à ne pas l'utiliser pour relayer du spam. Donc, si vous êtes intéressé, allez voir le site dl.nin.com/theslip, dl pour download, .nin pour nineinchnails.com/theslip, ou passez par le www.chance.com qui est le site de la collection, le www.chance.com. C'est là que vous pouvez voir tous les liens émission et télécharger le MP3 à chaque semaine. Le nom de domaine America.com va être mis aux enchères sur Internet du 22 au 29 mai et devrait atteindre plusieurs millions de dollars, a annoncé la société Internet Media Consultants SA, basée en Suisse. Évalué entre 3,5 et 7,3 millions de dollars, ce nom est réservé depuis le milieu des années 90. Il n'a jamais été véritablement utilisé comme site Internet, selon le directeur d'Internet Media Consultants. Cette société, active notamment dans la gestion de portefeuilles de noms de domaine, a indiqué mettre en vente le nom de domaine America.com pour le compte d'un client qui possède ce nom depuis plusieurs années, et je cite, des grandes entreprises ont déjà manifesté leur intérêt, qui qualifient aussi America.com de plus beau nom de domaine sur Internet. Vive le patriotisme à outrance. Les enchères démarreront le 22 mai à 19h Greenwich Mean Time sur les deux grands sites de vente de noms de domaine, greatdomains.com et cedo.com, et se termineront le 29 avec un prix de réserve de 1 million de dollars. Et finalement, la star de hip-hop Will.i.am, dont les vidéos de soutien à Barack Obama ont attiré des millions de visiteurs, et le réalisateur français Michel Gondry figure parmi les gagnants des Webby Awards ou les Oscars de l'Internet. La nouvelle date quand même d'il y a au moins une semaine, mais bon, ça s'est passé, je crois que ça se passait le jour même de l'émission, la semaine passée. Ces récompenses qui existent depuis 12 ans sont considérées comme les plus importantes pour les sites Internet, les publicités interactives et les vidéos mises en ligne. Michel Gondry a été récompensé pour son film « Soyez sympa, rembobiné », le jury ayant souligné qu'il avait inspiré d'autres réalisateurs qui suivent son exemple et partagent en ligne des scènes de leurs films favoris. L'artiste de l'année est Will.i.am, récompensé pour sa vidéo « Yes, we can » en soutien du candidat démocrate à l'investiture présidentielle Barack Obama, qui a été vu par plus de 17 millions de... plus de 17 millions de fois depuis sa sortie en février dernier, et non 17 millions de personnes. Le site internet du New York Times a raflé 8 récompenses pour ses informations écrites et filmées, tandis que le site satirique The Onion a eu 7 récompenses. Parmi les grands gagnants des dernières années figuraient les cofondateurs de YouTube Steve Chen et Chad Hurley, le chanteur de rock David Bowie et l'ancien vice-président américain Al Gore. Les lauréats sont sélectionnés par l'Académie internationale des arts digitaux, qui compte parmi ses membres le créateur des Simpsons Matt Groening, l'écrivaine et éditorialiste Arianna Huffington et le producteur de cinéma Harvey Weinstein. Les gagnants se verront remettre leur prix au cours d'une soirée, une soirée de gala à New York le 10 juin prochain. Une des originalités de la cérémonie consiste dans les règles imposées au récipiendaire pour son discours qui ne doit pas dépasser 5 mots. Donc le site des Webby Awards, c'est le Webby Awards avec un S.com. Voilà qui fait le tour pour le bloc F5 informatique. Voici les mots-clés les plus recherchés sur la toile du Québec la semaine dernière. En cinquième position, en fait, tout est stable aujourd'hui. Tout est stable. En cinquième, c'est YouTube. En quatrième, l'Auto-Québec. En troisième, Hotmail. En deuxième, Horoscope. Et le mot-clé le plus recherché la semaine dernière, c'était les packs. Voici la descente du coude avec Hobbies à la connexion. Au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. J'ai tout plein de hobbies dans ma biographie. Mon CV est une page jouée. Je me cache dans des cratères, des évasions lunaires, en orbite autour des critères de sélection. Je manque de terre à terre. En orbite ou bien en temps, je suis à l'ordinaire dans l'opprobre. Je roule ma voix. Le secret par secret des souhaits muets me confie au silence qui passe. Les mots tu les mordus, les sept tours de langue, le tourbillon de la parole du sage, l'universel reportage. Ça va, la vérité en marche. En orbite ou bien en dort, je suis à l'ordinaire. Dans la prode, je roule ma balle dans le talot. Si mes intérêts ont bientôt fait de cracher sur le boursier. La descente du coude avec la pièce Hobby de leur nouvel album Coup de foudre ici à la collection, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Maintenant, c'est le bloc F5 jeux vidéo. On commence avec Grand Theft Auto. J'ai ramassé quelques articles qui parlent de Grand Theft Auto. Un qui commence ici avec jouer.com. Pourquoi pas? La Federal Trade Commission, l'agence fédérale américaine en charge notamment de la protection des consommateurs, a publié une enquête dont les résultats sont très intéressants. Il semblerait que les jeunes âgés de 13 à 16 ans auraient plus de difficultés à se procurer des jeux réservés aux adultes qu'à acheter des films pour adultes. La FTC a l'habitude de mener des enquêtes pour vérifier si les commerçants américains vendent aux jeunes non accompagnés des produits réservés aux adultes. Leur plus récente enquête démontre clairement que les détaillants font preuve de vigilance lorsque des adolescents tentent de se procurer des jeux vidéo classés 17 ans et plus, tels que Grand Theft Auto 4. En effet, 80% des jeunes qui ont tenté d'acheter ces jeux ont essuyé un refus dans les chaînes américaines ciblées par l'enquête. La chaîne GameStop EB Games a obtenu le meilleur pointage avec 94% des jeunes qui ont tenté de se procurer un jeu classé 17 ans et plus dans les boutiques ciblées et qui n'ont pas complété leur transaction. Voilà qui prouve que le système de classement fonctionne de mieux en mieux, dit l'article de François Tadé. En effet, il y a à peine 2 ans, 42% des jeunes étaient en mesure de se procurer des jeux classés M. C'est donc dire que les détaillants ont redoublé d'efforts. À l'inverse, 35% des jeunes ont été en mesure de se procurer des billets de cinéma pour des films classés 17 ans et plus, alors que 47% d'entre eux ont pu se procurer des DVD de films classés R. Enfin, 54% des jeunes ont pu mettre la main sur des CD de musique classés PAL, ou Parental Advisory Label, dont le contenu était explicite. Donc, il est donc désormais plus difficile de se procurer des jeux vidéo classés 17 ans et plus que d'autres produits de divertissement réservés aux adultes. C'est l'avocat Jack Thompson qui doit être content, dit l'article. Lui qui a livré bataille à Rockstar au cours des dernières années afin que leurs jeux vidéo violents ne soient plus vendus aux mineurs. Fait intéressant, dit l'article, au même moment, le Congrès américain tente de faire passer un projet de loi visant à interdire la vente de jeux classés M aux mineurs. On y reviendra d'ailleurs un petit peu plus tard. Il y a deux semaines, la Chicago Transit Authority a décidé unilatéralement de retirer les publicités de GTA 4 qui se retrouvaient sur ses autobus. Pourtant, les panneaux publicitaires en question étaient totalement inoffensifs, visiblement en désaccord avec cette décision. Take-Two Interactive a décidé de poursuivre la CTA. Dans la poursuite, Take-Two allègue que le retrait des publicités viole les droits contractuels et la liberté d'expression. Selon Reuters, la compagnie demande une compensation de $300,000 et souhaite le retour des publicités. Commentant la poursuite avec GameSpot, Take-Two a affirmé, et je cite, « La CTA a refusé de discuter avec nous de la décision outrageuse de retirer les annonces, outrageuse étant le mot que JXP.ca a choisi et pas le mien, alors qu'elles utilisent des publicités pour d'autres formes de divertissement avec un contenu similaire, notamment des émissions et des films matures. » L'article vient de JXP.ca. qui ne sait pas écrire. Rockstar et Take-Two pensent à tous ceux qui ne se sont pas procurés l'édition limitée de Grand Theft Auto 4 et qui le regrettent. Moi, je ne sais pas parler. Eux savent pas écrire, moi, je ne sais pas parler. Dans leur grande mansuétude, ils ont donc décidé de proposer en téléchargement le contenu du CD audio de la bande originale du jeu. Il ne s'agit toutefois pas d'un geste complètement désintéressé puisqu'il vous faudra débourser quelques dollars pour obtenir les pistes en question sur AmazonMP3.com. Et oui, tout se paie à Liberty City, dit jeuxvideo.com. Donc, ça vous intéresse de télécharger la trame sonore de Grand Theft Auto 4, allez voir le AmazonMP3.com. Malgré les récentes assertions du patron de Take-Two, Strauss Zelnick, qui niait tout souci technique avec GTA 4, Rockstar a sorti un patch pour corriger les problèmes rencontrés par certains joueurs, avouant ainsi implicitement qu'il y avait bel et bien un bug. Le développeur profite même de l'occasion pour faire son mea culpa et je cite « Nous sommes désolés pour le désagrément causé ». Bon ben voilà, faute avouée est à moitié pardonnée, dit jeuxvideo.com. On passe donc l'éponge pour cette fois, mais qu'on ne les y reprenne plus, les vilains garnements. Ce patch concerne pour l'instant que la version PS3, en tout cas en date de l'article qui a été écrit le 8 mai sur Xbox 360. Peut-être faux espoir, faudra se renseigner. Je suis pas au courant. Selon Take-Two, il s'est vendu pas moins de 6 millions de copies de GTA 4 au cours de la première semaine seulement, pour des revenus d'environ $500 millions US. La seule première journée aurait vu 3,6 millions de copies trouvées preneurs pour des revenus de $310 millions. L'article de jeuxvideo.blog.canoë.ca, c'est l'article de JF Coder de Canoë. Il dit « J'avais un peu de misère avec les calculs au départ puisqu'il donne un prix moyen de $83 et $86 la copie, alors qu'aux dernières nouvelles, le jeu était vendu $60 ici aux États-Unis. Sauf que bien sûr, il y a l'édition spéciale à $90 et surtout les copies européennes qui sont vendues à 65 € en France, soit $100 canadiens. Combien pour l'édition spéciale en France » demande-t-il. 169 €, ça veut dire $260 pour GTA 4 version de collection. Au Royaume-Uni, 40 livres sur Amazon, soit $78. Tout ça pour dire que GTA 4 est maintenant le produit culturel, jeu ou film ayant récolté le plus à sa sortie et de très très loin. C'est toujours un peu bizarre de comparer au cinéma où les billets sont $12, mais les dollars sont des dollars. Peu importe de combien de poches différentes on les tire, dit ce très très philosophique JF Coller. Les jeux vidéo classés 17 ans et plus ne rendraient pas les jeunes plus violents. C'est ce qu'ont conclu deux chercheurs du Harvard Medical School, le couple Lawrence Kuttner et Cheryl Olson, dans leur livre intitulé Grand Theft Childhood, The Surprising Truth About Violent Video Games and What Parents Can Do. Hein? C'est un beau long nom de livre. Et dans une entrevue accordée à l'agence Reuters, Lawrence Kuttner dit que cette recherche avait pour but de remettre les pendules à l'heure. Et je cite, « Ce que j'aimerais faire réaliser aux gens, c'est qu'il n'existe aucune donnée qui démontre que les jeux vidéo provoquent la violence. » Contrairement aux autres recherches du genre, leur étude ne s'est pas déroulée en laboratoire. Le couple a plutôt rencontré 1200 jeunes âgés d'une douzaine d'années sur une période de 2 ans et a simplement parlé aux jeunes. Et je cite, « Ça peut paraître un peu bizarre comme approche, mais une telle étude n'avait jamais été réalisée auparavant. » Cela dit, les données indiquent une corrélation entre des jeux vidéo classés M, donc 17 ans et plus ou matures, et une attitude belliqueuse. Précisément, 51% des jeunes garçons ayant joué à des jeux classés M avaient été impliqués dans une bagarre au cours de la dernière année contre 28% chez ceux qui n'avaient pas joué à de tels jeux. Chez les jeunes filles, 40% de celles qui avaient joué à des jeux classés M ont été impliquées dans une bagarre au cours de la dernière année contre 14% chez celles qui n'y avaient pas joué. Les deux chercheurs estiment qu'il faudra pousser les études plus loin et je cite « Les données actuelles indiquent qu'il existe un certain lien entre les deux mais pas une relation de cause à effet. Nous ne savons pas encore si les jeux vidéo provoquent de l'agression ou si ce sont plutôt les enfants agressifs qui sont attirés par les jeux vidéo violents. Il y a très peu d'enfants qui jouent à des jeux vidéo violents de façon intense et qui sont impliqués dans des bagarres. Si vous voulez une bonne description du jeune de 13 ans qui s'amuse avec des jeux vidéo violents, regardez les jeunes au sein de votre équipe locale de soccer locale. » OK. Dans leur livre, les deux chercheurs tentent de replacer le phénomène des jeux vidéo dans un contexte plus large. Ils soulignent que les inquiétudes des parents face aux jeux sont les mêmes que celles soulevées lorsque les films, les livres de bande dessinée et la télévision sont devenus populaires. Donc l'article vient de Canoë. Deux membres du Congrès américain, Jim Madison et Lee Terry, souhaitent présenter une loi qui obligerait les détaillants à vérifier l'âge des jeunes qui achètent ou qui louent des jeux vidéo. Pour Jim Madison de l'État du Utah, il s'agit de mieux protéger les enfants. Et je cite, « Trop de jeunes s'amusent avec des jeux classés matures ou adults only, dont les contenus ne sont pas adaptés aux enfants. Les parents sont les premiers responsables des activités de leurs enfants, mais ils ne peuvent être partout et des règlements doivent être en place pour les aider. » Une étude de la Federal Trade Commission réalisée en 2005 a démontré que 42% des jeunes de 13 ans à 16 ans non accompagnés de parents ont été en mesure de se procurer facilement des jeux classés M, même si cette catégorie signifie 17 ans et plus. Jim Madison déplore le fait que les parents sont souvent ignorants du contenu de ces jeux et je cite « Les graphiques et les thèmes abordés dans ces jeux vidéo sont souvent choquants et troublants. Dans certains, le joueur obtient les plus hauts pointages à la suite de meurtres, d'agressions ou de viols. » Les deux congressistes saluent les efforts réalisés par certains détaillants pour développer des règlements afin de mieux protéger les enfants, mais ils affirment qu'il faut aller plus loin. Selon un sondage réalisé par la firme MediaWise Harris Interactive Poll, 72% des parents affirment qu'ils ne comprennent rien ou très peu dans la façon dont les jeux sont classés. La nouvelle réglementation proposée obligerait donc les détaillants à afficher bien clairement la signification du classement afin de permettre aux parents de faire un choix plus éclairé lorsqu'ils louent ou achètent un jeu vidéo. Moi, je dis que c'est un petit peu la faute des parents, là, sérieusement, parce que bon, c'est plutôt facile à comprendre, et si vous comprenez pas, vous virez la boîte, et à l'arrière, c'est écrit en détail, tu sais, en texte, donc je sais pas. Mais bon, peut-être qu'on pourrait améliorer les icônes et marquer clairement 18+, ce jeu s'adresse à un public de 18 ans et plus, parce que 18, 1, 8, ça veut dire 18, comme dans « il faut que t'aies 18 ans pour l'acheter », tu sais, en tout cas. Le site Variety a appris que la franchise BioShock se verra portée au grand écran. En effet, Take-Two Interactive a conclu un accord avec Universal Studios afin d'amener la série au cinéma. Gore Verbinski, qui a fait Pirates of the Caribbean, réalisa ce projet tandis que des pourparlers avec John Logan de The Gladiator, The Aviator, Sweeney Todd et d'autres ont été entamés afin qu'il écrive le scénario. Même si aucune date de sortie pour le film n'a été avancée, Verbinski désire débuter sa pré-production dès que le script de la production cinématographique sera terminé et approuvé. Selon Verbinski, le design de la ville de Rapture, dans laquelle prend place BioShock, et les personnages du jeu, notamment les Big Daddies, l'ont poussé à voir BioShock en film. À noter que le producteur du jeu, Ken Levine, fut régulièrement consulté dans la préparation de BioShock pour le grand écran, bien qu'on ne sache pas s'il jouera un rôle important dans la production du film. Pour Universal Studios, BioShock marquera un retour dans la production de films basés sur des jeux vidéo. La firme ne désire pas vivre le même cauchemar qu'avec le film Halo, un désastre tant au niveau de sa production que des coûts qu'il a générés. Voilà donc pour le bloc F5 jeux vidéo. Maintenant, voici les logiciels les plus téléchargés sur download.com. En cinquième, on retrouve Avast Home Edition. En quatrième, c'est LimeWire. En quatrième, c'est ICQ. En troisième, c'est LimeWire. En deuxième, c'est Adaware 2007. Et en première place, c'est AVG Antivirus Free Edition. J'avais pas du tout l'air mêlé, du tout. Tout de suite, voici Prozac et Just Friends à la connexion. On parle technologie informatique et jeux vidéo au 89.fm. But if we are just friends, then how come I'm crying? You laugh, but inside I'm dying. Pretend, for your sake I'm lying. Be strong, you know that I'm trying to let you go free. If that's what friends. I still remember how you looked at me that way, like I was everything you ever wanted. I didn't mean to let you down the way I did. Darkness descended and you just can't stop it. And you're here to remind me of the things I said. But if we are just friends, then how come I'm crying? You laugh, but inside I'm dying. Pretend, for your sake I'm lying. Be strong, you know that I'm trying to let friends. Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette deuxième demi-heure, on va faire un gros bloc cybercrime. On va aussi célébrer quelques anniversaires parce que vous savez que l'iMac fête ses 10 années d'existence. C'est comme un gros événement. Mais avant ça, on va entendre une pièce de Bonjour Bruma. Voici la fin à petit feu. La connexion 89.fm dans vos oreilles. C'est fou.ca. Je n'ai pas arrêté de voir ailleurs comme un terrain miné. Mes jours à flotter derrière toi sont comptés. Et songer aux instants rompus, est-ce avouer qu'ils sont trop présents? Le vent ne transportera plus tous ces moments. Non, non, non, non. Non, non, non, non. C'est à ne pas savoir comment s'y prendre. Non, non, non, non. Non, non, non, non. Si je pars à petit feu, c'est qu'à l'étranger entente. Plus on y songe, plus elle est fébrile. La certitude, c'est une conne qui se défile. Je n'ai pas arrêté de croire qu'ailleurs ce ne sera pas comme ici. Les soirs à traîner derrière toi sont écrits. Je ne sais pas lire entre les lignes. Je ne sais pas lire entre les lignes. Non, non, non, non. Non, non, non, non. C'est à ne plus savoir comment s'y prendre. Si je pars un petit feu, c'est qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars un petit feu, c'est pour éviter les erreurs. Si je pars un petit feu, c'est qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars un petit feu. Dans le fond, je ne suis qu'un vrai peureux. Disparaît à petit feu. Dans le fond, je ne suis qu'un vrai peureux qui fuit, qui disparaît à petit feu. Pour autant, rien de tout cela n'est fini. Bonjour Brumaire et la fin à petit feu à la connexion version 20 minutes plus longue pendant tout l'été. Donc votre mal de tête après l'émission va durer 20 minutes de plus longtemps aussi. Voici le bloc Cybercrime. On commence avec des nouvelles locales dans le bloc Cybercrime, le bloc des nouvelles, de tout ce qui est croche, de tout ce qui est pas correct, de tout ce qui est illégal. Le cofondateur du Festival de jazz de Montréal, André Ménard, ainsi que des journalistes se sont fait usurper leur identité numérique par le conseiller du groupe de musique Mister Valère. Jusqu'à tout récemment, en tapant clauderajotte.com, on tombait sur le top 5 de l'année 2007 de l'émission radio canadienne Fréquence libre de l'animateur Claude Rajotte, palmarès sur lequel figurait justement Mister Valère. Claude Rajotte n'a pourtant jamais acheté ce nom de domaine. C'est plutôt Guillaume Désiel, le conseiller de Mister Valère, qui se l'est procuré le 20 août 2007, ainsi que des noms de domaine avec les noms d'André Ménard du FIGM, des journalistes musicaux du Devoir Sylvain Cormier et de la presse Alexandre Vigneault et Alain Brunet. Il a aussi acheté les noms de domaine des chroniqueurs de la presse Marc Cassivi et Nathalie Petrovski, pardon, avec une erreur justement dans son nom, ainsi que celle de Francine Grimaldi, ont découvert les journalistes Philippe Renaud et Michel Dumais. Sur le site alainbrunet.com, Désiel redirigeait les internautes vers un blog qui parlait de son site de téléchargement bouche à oreille musicale, BAOM.net. Aujourd'hui, Guillaume Désiel reconnaît la grossière erreur, jurant qu'elle n'était ni planifiée ni préméditée, et qu'il aurait remis les noms de domaine si les principaux intéressés lui avaient demandé. Et je cite, « Je n'ai jamais voulu faire de cybersquattage », affirme-t-il, en faisant référence à cette pratique utilisée par des fraudeurs qui achètent des noms de domaine relatifs à des marques de commerce ou à des personnes et demandent ensuite rançon pour les libérer. « Je ne pense pas que Guillaume Désiel avait des intentions malveillantes. Il n'a pas le profil d'un fraudeur », confirme Alain Brunet de la presse, une des victimes de cette affaire qui n'en excuse pas moins les gestes commis. Selon lui, il s'agit d'erreurs de jugement qui pourraient s'avérer néfastes pour sa carrière de producteur et celle de Mister Valère. Après s'être confondu en excuses auprès des personnes intéressées, Guillaume Désiel a restitué ses droits de propriété sur les noms de domaine qu'il avait achetés et a, il les a restitués à un mandataire externe, la société montréalaise iWeb, afin qu'il les rende à leurs propriétaires respectifs. Reste à savoir si c'est suffisant pour les avocats du quotidien La Presse qui ont été saisis du dossier. Hein? Voilà, donc l'article vient de branchez-vous.com. Assez étrange comme nouvelle de la part de Mister Valère. Dans une attaque particulièrement vicieuse, des pirates informatiques ont inondé le site web de l'Epilepsy Foundation aux États-Unis avec images lumineuses qui clignotaient rapidement, causant ainsi des migraines et des crises d'épilepsie légères chez certains visiteurs. Les épileptiques photosensibles peuvent en effet avoir des crises lorsqu'ils sont exposés à des images clignotantes, comme dans certains jeux vidéo et dessins animés, en profitant d'une faille du site web. Des liens supposément d'aide qui pointaient en fait vers des pages pleines d'images kaléidoscopiques clignotantes et multicolores ont été ajoutées par les pirates. Leur but était de causer des crises d'épilepsie. Non mais faut-tu? Non mais sérieusement, mais quel outrage! Faut vraiment avoir aucun espèce de sens de, en tout cas, du bien et du mal. Les pirates qui ont infiltré le site web de la Fondation n'ont pas tenté d'ajouter de code malveillant au site, ce qui leur aurait, par exemple, permis de prendre le contrôle des ordinateurs des utilisateurs. Et je cite, « Je mets ça dans la même catégorie que des adolescents qui trouvent ça drôle de mettre un chat dans un sac et de le lancer par-dessus une corde à linge. Ils ne réalisent pas à quel point c'est cruel. » Tu vois. Pour sa part, analysé Paul Ferguson, un chercheur chez le développeur d'antivirus Trend Micro. Depuis l'attaque, il n'est plus possible d'afficher d'images animées ni de liens vers un site externe sur le forum, et ce dernier est modéré 24h sur 24. Donc, la société, où est-ce qu'on s'en va avec des gens comme ça? Ah, une chance que c'est pas tout le monde qui est comme ça. Une New-Yorkaise victime de cambriolage a pu se... Une autre chose que je ne comprends pas, les cambriolages. A pu se connecter à distance à son ordinateur pour le retrouver grâce au service Back to My Mac, offert avec le service .mac. Lorsqu'un de ses amis a vu son ordinateur en ligne, il l'a immédiatement appelé alors qu'elle se trouvait au Apple Store de Westchester où elle travaille. Elle s'est alors précipitée sur un des ordinateurs de la boutique, s'est connectée au sien, il a activé la caméra et a pris des photos du voleur. Sa colocataire a ensuite reconnu l'homme, une connaissance qui avait participé à une fête à l'appartement de la victime quelques temps auparavant. L'homme et son complice ont été arrêtés en possession de plusieurs des objets dérobés, principalement du matériel électronique et informatique. Les deux criminels étaient connus des policiers. Ils avaient précédemment été arrêtés pour possession de marijuana. Une nouvelle forme de fichiers MP3 et MPEG contenant en fait plusieurs logiciels malveillants se répand actuellement dans les réseaux de partage de fichiers. C'est ce que prévient cette semaine la firme de sécurité informatique McAfee. Selon les informations colligées par l'entreprise grâce à son logiciel antivirus, les ordinateurs de plus de 500 000 internautes ont été infectés avec les faux fichiers MP3 et MPEG en moins d'une semaine. Bien que l'utilisation par les pirates de faux fichiers multimédia ne soit pas une nouvelle stratégie, l'ampleur de cette nouvelle épidémie surprend tout de même les chercheurs de McAfee. En 24 heures seulement, le tiers des utilisateurs du logiciel antivirus de l'entreprise qui accepte de lui transmettre des informations avaient téléchargé, sans le savoir, les fichiers malicieux. Les fausses chansons et les faux films téléchargés par les internautes contiennent en fait un fichier exécutable. Parmi ces programmes se retrouve un mauvais lecteur multimédia, un logiciel qui bloque les fenêtres publicitaires et paradoxalement un autre qui en génère. Selon McAfee, les fichiers contaminés seraient particulièrement répandus dans les réseaux LimeWire et eDonkey. La firme conseille aux internautes de faire particulièrement attention à certains fichiers, dont une fausse chanson du groupe britannique Girls Aloud, appelée Saint Trinians, ainsi que plusieurs vidéos pornographiques. Pour plus de détails, allez voir l'article qui s'appelle des MP3 malicieux se répandent dans les réseaux P2P et cliquez sur le lien en bas pour l'article en anglais. Les 6 studios majeurs de Hollywood ont remporté un jugement de 111 millions de dollars pour violation du droit d'auteur dans une poursuite intentée contre le site web de partage de fichiers TorrentSpy, qui a cessé ses activités depuis. Le jugement prononcé à la Cour fédérale du district de Los Angeles impose une amende de 33 000 dollars par violation aux responsables du site Valence Media LLC, une pénalité qui s'applique donc pour près de 3 700 téléchargements illégaux de films et d'émissions de télé. Le regroupement Motion Picture Association of America, la MP2A, estime que le jugement envoie un message clair aux personnes qui se permettent de violer impunément le droit d'auteur. Le site a fermé en mars, expliquant que le climat juridique hostile l'empêchait de poursuivre ses activités. Les avocats de TorrentSpy ont déposé un document lundi, En tout cas, pas grave, il y a quelques temps, à la cour expliquant que Valens s'était mis sous la protection de la loi sur la faillite auprès d'un tribunal du Royaume-Uni et demandant à la cour californienne de sursoir le jugement. Voilà, l'article vient de l'Associated Press. Facebook s'est entendu avec 49 États américains pour ajouter de nouvelles protections à son site de façon à ce que les enfants y soient plus en sécurité. Le populaire site de réseautage social s'est engagé à demander aux internautes de moins de 18 ans de confirmer qu'ils ont lu les conseils de sécurité quand ils s'inscrivent. Facebook affichera également une icône qui encouragera les jeunes à rapporter les abus. Le site Internet s'est également engagé à retirer tout matériel qui lui sera apporté comme inapproprié en moins de 24 heures. En janvier dernier, MySpace a conclu une entente similaire avec plusieurs États américains et s'est joint à un groupe technique pour concevoir des outils de vérification de l'âge et de l'identité sur les réseaux sociaux. Facebook s'est également joint à ce groupe. Une telle technologie pourrait par exemple identifier un utilisateur qui est ami avec des gens dans un groupe d'âge assez éloigné du sien, ce qui pourrait être un adulte qui tente d'entrer en contact avec des jeunes. Le responsable de la vie privée de Facebook affirme que le site n'entend pas alarmer ses visiteurs ou les bombarder avec trop d'avertissements. Les avertissements seront placés dans des contextes particuliers, par exemple si un message d'une personne de plus de 18 ans est envoyé à une personne de moins de 18 ans, explique Facebook. La blogueuse cubaine Yoani Sanchez, devenue célèbre pour son blog Génération Y, parce que je sais pas c'est quoi Y en espagnol, même, et qui lui a valu cette année le prix Ortega y Gasset de journalisme en Espagne, s'est vu refuser par le gouvernement cubain l'autorisation de sortir du territoire pour se rendre à Madrid, où elle devait assister à une cérémonie de remise du prix. Et je cite, « Ils m'ont dit que mon cas était à l'étude. » C'est ce qu'a déclaré la femme de 32 ans lors d'un entretien à l'Associated Press à la veille de la remise du prix. Et je cite, « Je crois que le message, c'est que les enfants passages n'ont pas le droit de sortir de la maison. » La cérémonie devait avoir lieu quelques jours plus tard. L'auteur de Génération Y s'est attiré une reconnaissance internationale grâce à ses commentaires désabusés sur la vie de l'île ces derniers mois. Sa posture contestataire a de quoi déplaire au régime cubain. La récompense Yoani Sanchez sera remise symboliquement au blogueur Ernesto Hernandez qui réside en Espagne. Voilà donc pour le bloc cybercrime. Continuons avec les anniversaires de la semaine, si ça vous dérange pas. Les anniversaires se succèdent chez Apple. Donc, après les 5 ans d'iTunes il y a quelques semaines, la firme souffle les 10 bougies de l'iMac. C'est effectivement au mois de mai 98 qu'un certain Steve Jobs lève le voile sur un concept de nouvelle machine. Les iMac, des ordinateurs simples, design où l'unité centrale est intégrée dans l'écran et qui doit offrir d'excellentes prestations en bureautique et pour le surf sur Internet. À l'époque du premier iMac, il était basé sur un écran à tube cathodique orné d'un plastique translucide de couleur. Il était également doté d'un modem 56K pour le surf sur Internet. 10 ans plus tard, l'iMac a sérieusement évolué. Mis à jour pas plus tard que la semaine dernière, l'ordinateur de bureau grand public d'Apple est désormais extrêmement fin, offre une diagonale d'écran allant jusqu'à 24 pouces et peut accueillir un processeur jusqu'à 3,06 GHz. Que de chemin parcouru en 10 ans. Donc, si vous voulez voir le petit récapitulatif en images, allez voir l'article sur le www.unechance.com. C'est un article de Klubik. Tiens, un jeu qui célèbre l'anniversaire, Wolfenstein. Ça fait 16 ans cette semaine que id Software sortait Wolfenstein 3D. Et puis, même si c'était pas le premier FPS, grâce à une version partagicielle, le jeu a gagné en popularité. Et puis, c'est à peu près ça. C'est ce que ça veut dire. Donc, joyeux anniversaire à Wolfenstein 3D. Et finalement, le téléphone cellulaire a eu 100 ans. Oui, c'est vrai, il y a quelques semaines de ça. Donc, c'est 100 ans. C'est un homme qui s'appelle Nathan Stubblefield qui a inventé le téléphone bougeable ou transportable, si on veut. C'est les ancêtres des cellulaires, pas en tant que tel le cellulaire. Si vous voulez les informations, c'est sur lechance.com, un article de Crunch Gear. Voilà donc pour les anniversaires, voici le top 5 des jeux les plus trichés sur GameFAQs.com. En 5e position, on retrouve Pokémon Diamond sur la DS. En 4e, Super Smash Bros. Brawl sur la Nintendo Wii. En 3e, Mario Kart Wii sur la Wii. En 2e, Grand Theft Auto 4 sur la PS3. Et en première place, le jeu le plus triché sur GameFAQs.com, c'est Grand Theft Auto 4 sur Xbox 360. Voici The Cat Empire et So Many Nights. It doesn't matter what I say. It doesn't matter what I do, it seems I'm gonna have to change my look for you. Cause, well, I've got two shoes, but they've been walked too far. And I think that we could float from evening to the stars. Well, I see you.

Parlons un petit peu de pourriel, parce que j'ai reçu trois beaux courriels merdeux, comme on pourrait dire, que j'ai envie de partager avec vous. On commence par un que j'ai reçu de Marlene Hogan, qui dit « We carry all of the most popular NTED at literally one-fifth the cost. » Vous n'avez pas à parler à votre docteur pour avoir de l'aide sexuelle. Non, regardez plutôt ici. S'il vous plaît, décodez le lien suivant et tapez-le dans votre furteur. Et là, le lien à décoder, c'est littéralement getmanhealth.com. Il est écrit, mais il faut le décoder. Hein? Je sais pas ce que ça veut dire. Ensuite, j'ai reçu un autre courriel qui s'appelle Top of the Pop, d'accord? De Ellie Malachi, qui dit « Ma commande est arrivée hier par courrier enregistré. La montre est merveilleuse et même meilleure que je croyais qu'elle allait être. Essayez-la par vous-même. Vous allez être étonné. Le plus grand vendeur de produits luxueux, incluant des montres sport Rolex, Cartier, Porsche Design, Gucci, via www.naiunuu.com. Allez-y. Ben ouais, c'est ça. Allez-y. Faites-vous avoir. T'sais, sérieusement. Ils nous prennent des épées. Un autre que j'ai reçu de Stacy Rodriguez qui dit « Votre armis trop petit, tanné de perdre contrôle au lit. » Mais là, le lit, c'est marqué « bad ». Ne vous en faites pas. Nous connaissons la solution à ce problème. Essayez votre produit et vous deviendrez le roi du lit. Hein? Donc voilà, c'est mes courriels que j'ai reçus cette semaine. Je voulais partager ça avec vous. T'sais, avouez que ça valait la peine. Du coup, la connexion, restez là. Le bloc F5 jeux vidéo dans 2 minutes. Pièce préférée du palmarès francophone de C'est fou, c'est Aile Morcelée de Fachic Chic. À la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. En passant, si vous aimez la musique que je passe des palmarès, écoutez donc les palmarès C'est fou les vendredis soirs en direct de 17h à 20h. C'est moi qui anime ça, donc je vous retrouve là vendredi 17h. Bloc F5 jeux vidéo, deuxième partie. On commence avec Nintendo. Le service WiiWare est finalement disponible en Amérique du Nord. La Wii peut donc ainsi concurrencer les petits jeux téléchargeables sur Xbox Live et PlayStation Network en ayant sa propre librairie de jeux originaux à télécharger. 6 jeux sont maintenant disponibles via le menu WiiWare de la Wii. Ces jeux sont Final Fantasy Crystal Chronicles My Life as a King pour 1500 points Wii, Lost Winds pour 1000 points, Defend Your Castle pour 500 points, Pop pour 700 points, VIP Casino Blackjack pour 700 points et TV Show King pour 1000 points Wii. Parmi les autres jeux qui seront offerts sur le service WiiWare au cours des prochaines semaines, notons Tetris, hein, un nouveau Tetris, et Dr. Mario Online RX. Oui, nouvelle version de Dr. Mario. ça j'ai tellement hâte d'avoir une Wii juste pour pouvoir jouer à ça. À noter que tout comme pour les jeux de la Virtual Console, la console virtuelle, les nouveaux titres du service WiiWare seront lancés à chaque lundi. Donc les lundis vont être une grosse journée pendant vos années à venir. Ah, j'ai hâte. C'est confirmé, l'édition 2008 de l'E3 devra se passer de Activision, qui a précisé aux gens de chez GameSpot UK qu'ils ne souhaitaient pas prendre part à l'événement californien cette année. L'éditeur américain ne participera d'ailleurs à aucune autre manifestation affiliée à l'E3, puisqu'il a annoncé dans la foulée son départ de l'Entertainment Software Association, l'association des éditeurs, au même titre que Vivendi Games, avec qui il fusionnera bientôt pour former l'entité Activision Blizzard. Renforcé par la désertion de Blizzard et de Sierra, le retrait de l'éditeur de Guitar Hero et de Call of Duty marque un véritable coup dur pour les organisateurs de l'E3 en quête de nouvelles images après une édition 2007 en demi-teinte. Une conférence parallèle à l'E3 pourrait néanmoins être tenue par Activision, et ce, la même semaine que le salon. Autre mauvaise nouvelle par contre pour l'ESA en charge de l'E3, d'autres éditeurs devraient manquer à l'appel lors de l'ouverture des portes le 15 juillet. Juillet prochain. Atlus, Warner Brothers, Interactive Entertainment, Majesco, Foundation 9 et NCSoft ont chacun confirmé qu'ils déclinaient l'invitation pour cette année. Une liste où pourraient apparaître d'autres noms de prestige, comme par exemple le studio id Software. Le développeur américain de Doom n'a en effet toujours pas pris la décision de savoir s'il allait ou non se joindre à la grande messe du jeu vidéo cet été, entretenant le mystère et le flou autour d'une manifestation en pleine restructuration. La désaffection de plusieurs éditeurs stars ne devrait donc pas arranger les affaires du salon, autrefois considéré comme un métronome pour toute l'industrie du jeu vidéo. Donc l'E3, la grosse foire des jeux vidéo là, qui se fait battre de tous les côtés par toutes les autres foires, dont le Tokyo Game Show. Mais ça aura lieu quand même cet été, l'E3 2008. On sera là évidemment pour en parler. Blizzard Entertainment a annoncé qu'elle tiendra cette année son populaire événement BlizzCon dans la ville de Anaheim. Cet événement que Blizzard organise afin de notamment dévoiler de nouveaux jeux se déroulera les 10 et 11 octobre prochains au Anaheim Convention Center. Au menu, les participants pourront jouer aux derniers jeux de Blizzard, en plus de pouvoir assister à des conférences, participer à des tournois et assister à un concours de costumes. Bien sûr, on s'attend à ce que StarCraft 2 soit présent lors du BlizzCon 2008, et il se pourrait aussi qu'on ait droit à l'annonce de Diablo 3, dont le nom de domaine Diablo 3.com fut récemment acheté par Blizzard, dont on en parlait à l'émission il y a quelques semaines de cela. Donc, BlizzCon 2008, du 10 au 11 octobre, les 10 et 11 octobre prochains, au Anaheim Convention Center. On sera là, évidemment, pour suivre le dossier. Jusqu'à quel point Electronic Arts désire-t-elle acheter Take-Two Interactive? Eh bien, au moins jusqu'au point d'avoir cherché à mettre la main sur pas moins de 1 milliard de dollars dans l'éventuelle acquisition de la firme. Ce financement fut possible grâce à différentes ententes conclues par EA avec plusieurs banques. Parmi ces dernières, on note Morgan Stanley Senior Funding Inc., Morgan Stanley Bank, BNP Paribas, BNP Paribas Securities Corp. et The Bank of Nova Scotia et la KeyBank National Association. EA pourra donc accéder à ces fonds jusqu'au 9 janvier 2009. Pour rappeler un peu, Electronic Arts avait précédemment offert d'acheter Take-Two pour 1 milliard de dollars, ce que celle-ci a refusé, en déclarant que cette somme ne représentait pas sa valeur et qu'elle désirait demeurer indépendante. Avec le succès que connaît Grand Theft Auto 4, la valeur de Take-Two a évidemment grimpé, ce pourquoi Electronic Arts a désiré mettre la main sur des fonds afin probablement de lui soumettre une nouvelle offre prochainement. L'article vient de Shack News via artgamers.com. Toujours au sujet de Electronic Arts, on sait que la compagnie veut toujours avoir sa part du gâteau d'un projet innovateur, oui. Or, la nouvelle cible du géant américain est le jeu Wii Fit, qu'elle tentera de concurrencer avec son propre jeu de fitness pour la Wii. Selon les informations obtenues par Eurogamer, le jeu de fitness de Electronic Arts se concentrera davantage sur des séances d'entraînement cardiovasculaire de style américain plutôt que sur des séances plus tranquilles de style asiatique comme dans Wii Fit. Et je cite, « J'ai besoin d'un point de différence », a déclaré Peter Moore, président de EA Sports. « Nous devons aussi faire en sorte que nous livrions quelque chose qui est vraiment de l'exercice. Je qualifierais Wii Fit de fitness de style asiatique, où l'importance est mise sur le poids et la balance comme le tai chi. Nous devons regarder davantage vers le fitness américain, dans lequel je peux vraiment bouger et suer un peu, et c'est sur quoi nous travaillons en ce moment. » Selon Moore, il est important pour EA de trouver un moyen d'amener les joueurs à s'entraîner avec son jeu tout en s'amusant. Moore, un ancien professeur d'éducation physique, affirme que le fait de s'amuser et de ne pas avoir l'impression de travailler pousse les gens à continuer. Ça pourrait se faire au sein du jeu de EA par l'entremise de mini-jeux. Impossible d'en savoir plus sur ce jeu pour le moment, bien qu'on sache qu'il sera lancé sous la nouvelle bannière EA Sports Freestyle de Electronic Arts. L'article vient de Eurogamer via Art Gamers. La semaine dernière, Derek French, le producteur technique chez BioWare, avait déclenché une controverse en annonçant que les versions PC de Mass Effect et de Spore allaient utiliser une technologie anti-piratage assez restrictive. Les joueurs allaient devoir valider leur copie de jeu à chaque 10 jours, sans quoi il allait arrêter de fonctionner. Et bien, suite à la pression de plusieurs joueurs, Electronic Arts et BioWare ont reculé. Ainsi, la procédure de vérification s'effectuera maintenant seulement si le joueur décide de télécharger du nouveau contenu. Par contre, les deux compagnies laisseront en place l'autre mesure de protection qui stipule que Mass Effect et Spore pourront être installés que sur 3 ordinateurs au maximum. Ensuite, il faudra contacter directement le support à la clientèle pour le soutien à la clientèle du support, en tout cas, pour obtenir une permission spéciale. Donc voilà, l'article vient de gxp.ca. Codemasters a annoncé l'obtention des droits vidéoludiques pour la Formule 1. Un accord avec la Fédération internationale automobile a été trouvé et permettra à Codemasters de développer des jeux basés sur la licence F1 sur PC, console de salon et console portable. Pour vous rappeler un peu, les studios de développement de Codemasters ont déjà commis des jeux de course, notamment avec Dirt et le prochain Grid. Auparavant, les droits de la F1 étaient détenus par Sony Computer Entertainment. L'article est de Argamers. Comme la plupart. Voilà donc pour le dernier bloc F5 jeux vidéo. Voici le top des jeux les plus populaires sur OneUp.com en date du 13 mai 2008. En cinquième, on retrouve The World Ends With You. En quatrième, ça sur DS. En quatrième, Boom Blocks sur la Wii. En troisième, StarCraft 2 sur PC. En deuxième, c'est GTA 4 Grand Theft Auto 4 sur la 360. Et le jeu le plus populaire en ce moment, c'est aussi Grand Theft Auto 4, mais sur PlayStation 3. Maintenant, voici les nouveautés bientôt sur vos écrans. Beaucoup de choses en magasin cette semaine. On retrouve un petit peu moins qu'une dizaine de jeux, mais des choses quand même assez intéressantes sur multiplateforme. Commençons avec un jeu qui sort sur DS, PS2, PS3, Wii et Xbox 360. C'est The Chronicles of Narnia, Prince Caspian. Sur DS, on retrouve Drone Tactics de la compagnie Atlus et Myst. Oui, le remake de Myst en fin de sortie de Empire Interactive. Il y a eu une grosse affaire là-dessus. Il y a plusieurs compagnies qui ont refusé de publier Myst. Je sais pas pourquoi. Mais voilà que Empire Interactive le fait. Sur PC, Ford Racing Off-Road de Strategy First et Baseball Mogul 2009 de la même compagnie. Sur Nintendo Wii, le jeu Whiskey. Il y a aussi Major League Eating the Game. Oui, Major League Eating, comme dans vous allez manger des hot dogs puis des saucisses italiennes. Ça va être bizarre un peu comme jeu. Castle of Shikigami 3 et puis Deca Sports qui sort aussi sur Nintendo Wii. C'est des nouveautés en magasin cette semaine. La seule à noter est pas mal de Chronicles of Narnia, Prince Caspian sur quasiment tous les supports pour tenir compagnie au film à venir, dit rgamers.com. Vous pouvez désormais télécharger une nouvelle chaîne pour votre console Wii. Celle-ci s'appelle tout simplement la chaîne Nintendo et elle vous permet de visionner des vidéos des derniers jeux disponibles sur la Wii ou bien sur la Nintendo DS. Il vous sera également possible de télécharger des démos pour votre DS. La chaîne Nintendo est disponible en téléchargement gratuitement via la chaîne de shopping. Donc allez-y, j'ai lu des critiques là-dessus, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des photos de la chaîne Nintendo et ça a l'air vraiment très très bien. Donc allez-y dans la chaîne shopping pour acheter la chaîne Nintendo. Si je comprends bien. Sur PlayStation Store, maintenant, les joueurs sont ravis de voir le contenu relativement important qui a été mis à jour cette semaine sur le PlayStation Store nord-américain. Entre les jeux téléchargeables, les démos et le contenu additionnel, il y a de quoi satisfaire tout le monde, dit rgamers.com encore une fois. Au niveau des jeux téléchargeables, on retrouve Rocketman Axis of Evil pour 10$. C'est un jeu de tir à la troisième personne. Au niveau du contenu supplémentaire, il y a Pixel Junk Monsters Encore qui nécessite Pixel Junk Monsters et lui ajoute 15 nouveaux tableaux. Date with the Night des Yeah Yeah Yeah qui est du contenu, une pièce pour Rock Band. It Hurts de Angels and Airwaves aussi dans Rock Band. Et finalement, Descent de Sinners and Arms Race de Fall Out Boy aussi sur Rock Band. Alors qu'il y a aussi le Guitar Hero 3 Muse Track Pack qui comprend les pièces Exopolitics, Stockholm Syndrome et Supermassive Black Hole de Muse. Au niveau des versions de démonstration, il y a Ace, The Bourne Conspiracy et puis Grid, donc trois jeux en démonstration sur le PlayStation Store. Et comme prévu, la nouveauté Xbox Live Arcade de la semaine, c'est Assault Heroes 2, la suite du jeu d'action de Sierra Online et de Wanako Studios. En déboursant 800 points, il sera donc possible de télécharger le jeu Assault Heroes 2 qui se déplace dans l'espace et inclut une série de niveaux supplémentaires. Sierra propose aussi un volet coopératif amélioré dans lequel il sera possible de prendre possession des véhicules ennemis. Ceux qui veulent essayer le premier volet peuvent l'acheter présentement pour seulement 400 points. Voilà, donc merci à jxp.ca. Activision a annoncé le développement du jeu d'action et d'aventure Pitfall The Big Adventure pour la console Wii. Développé par Edge of Reality, le nouveau titre de la franchise Pitfall prendra place dans la jungle péruvienne et s'étendra sur 60 niveaux. Chacun de ceux-ci comprendra des casse-têtes et qui tireront profit de la Wii Remote, la Wiimote, la manette de la Wii, ainsi que de la Nunchuck. Le tout sera accompagné par la possibilité de combattre de multiples ennemis ainsi que par la découverte de fabuleux trésors. Voilà, donc Pitfall The Big Adventure sera lancé cet automne sur la Nintendo Wii. Enfin, le retour de Pitfall. Electronic Arts a confirmé qu'elle développe une suite au jeu à succès Skate pour les consoles Xbox 360 et PlayStation 3. Malheureusement, on ne sait rien au sujet de Skate 2 pour le moment. Par ailleurs, la firme a profité de l'occasion pour dévoiler de nouveaux détails au sujet du jeu Skate It, variation du jeu Skate pour les consoles Wii et Nintendo DS prévues pour cette année. Ainsi, la version DS vous permettra d'exécuter des mouvements avec l'écran tactile de la console, tandis que vous aurez l'occasion de faire de même sur la Wii avec la Wii Remote. De plus, la planche Wii Balance Board du jeu Wii Fit sera supportée. Là, c'est vraiment intéressant. Si vous comprenez bien, ça veut dire que vous allez pouvoir faire de la planche sur une planche avec la Wii. Ça devrait être assez génial. Très intéressant pour réellement simuler les mouvements de planche à roulettes sur la Wii. Electronic Arts a annoncé qu'elle adaptera Burnout Paradise sur le PC. Après avoir connu un énorme succès avec les versions pour consoles de salon, la franchise Burnout fera sa première tentative sur le marché des PC. Avec un multijoueur aussi divertissant, nul doute que ce lancement sur PC sera une fois de plus un succès, dit ArtGamers.com. Pour ceux qui désiraient se faire un bon aperçu avec la sortie, avant la sortie officielle du jeu, vous pouvez aller voir la critique de la version Xbox 360 sur le www.unechance.com. Cliquez sur Burnout Paradise PC annoncé et vous allez pouvoir vous rendre vers la critique. Le studio Panamic Studios a annoncé qu'il tentera sa chance avec la franchise Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien. En effet, le développeur a annoncé le développement du jeu The Lord of the Rings Conquest pour les consoles 360 et PlayStation 3 ainsi que pour PC. Ce jeu vous permettra de combattre sur tous les champs de bataille des films The Lord of the Rings ainsi que sur quelques autres supplémentaires. Vous aurez l'occasion d'y contrôler de nombreuses créatures et personnages des livres ainsi que des films dont le Balrog, les Olifants et même Sauron en personne. Là, je prononce les noms comme je le lis parce que j'ai jamais vu ces films-là. Le tout sera présenté en solo sur des champs de bataille pouvant contenir 150 personnages en même temps à l'écran, ainsi qu'à travers deux campagnes distinctes, dont l'une qui racontera les événements qui se seraient produits si Sauron avait remis la main sur l'anneau unique. À noter que vous pourrez aussi jouer en ligne dans des parties supportant 8 joueurs en mode compétitif et 4 joueurs en mode coopératif. Ce dernier mode pourra aussi se jouer localement sur le même écran. The Lord of the Rings Conquest sera lancé à l'automne. C'est via IGN.com. La franchise Fight Night aura droit à un quatrième opus sur les consoles Xbox 360 et PlayStation 3. En effet, Electronic Arts a annoncé le développement du jeu Fight Night Round 4 pour ces deux consoles. Développé par Electronic Arts au Canada, Fight Night Round 4 proposera un tout nouvel engin qui donnera entre autres droit à de nouveaux styles de boxe. De nouvelles physiques qui permettront aussi de voir des coups spéciaux ainsi que des coups ratés. À noter que plusieurs légendes de la boxe seront présentes au sein du jeu, incluant le retour de Mike Tyson et il y aura aussi Mohamed Ali. Fight Night Round 4 est prévu pour l'an prochain. Id Software a annoncé que le jeu Doom 4 est en cours de développement. La compagnie est présentement à la recherche de personnes pour compléter l'équipe de développeurs. Le jeu fonctionnera avec le nouveau moteur 3D Id Tech 5. Petit fait intéressant, ce moteur marche aussi bien sur PS3 que sur Xbox 360, ce qui laisse présager une sortie sur les deux plateformes. Plus d'informations devraient être disponibles durant le QuakeCon qui aura lieu le 31 juillet prochain. Ça, c'est via shacknews.com. Lors de son événement annuel, Sony Computer Entertainment Europe a confirmé que le lancement de Killzone 2 a encore une fois été repoussé. Au lieu de sortir à la fin de 2009, le jeu d'action de Guerrilla Games est maintenant prévu pour février 2009, au moins en Europe. Sony Computer Entertainment America refuse encore de confirmer cette date ici, mais généralement, les jeux de Sony sont lancés à peu près en même temps des deux côtés de l'océan. C'est bien ça qu'on dit. Selon GameSpot, le lancement de Prototype a été repoussé aussi en 2009. Le jeu d'action en développement par Radical Entertainment devait être lancé l'automne prochain sur PS3, Xbox 360 et PC. La raison de ce délai est simple, les créateurs ont besoin de plus de temps pour s'assurer que Prototype réponde aux demandes élevées des joueurs. Dans Prototype, on vous rappelle, le jeu incarnera Alex Mercer. Suite à des expériences scientifiques, il acquiert des pouvoirs incroyables. Quand le personnage tue quelqu'un, il absorbe sa mémoire, ses habiletés et son apparence. Au fil du temps, il devient non seulement plus puissant, mais il peut aussi changer d'apparence à sa guise. Voilà donc pour le bloc bientôt sur vos écrans. Voici maintenant les jeux les plus loués la semaine dernière dans les Super Clubs Vidéotron. En cinquième, on retrouve Super Smash Bros. Brawl sur la Wii. En quatrième, Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 sur 360. En troisième, Grand Theft Auto 4 sur PS3. En deuxième, c'est Mario Kart Wii sur la Wii. Et le jeu le plus loué, c'est Grand Theft Auto 4 sur la Xbox 360. Voici Los Campesinos, c'est Death to Los Campesinos. C'est la connexion CNX au 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. Los Campesinos, c'est Death to Los Campesinos, à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo au 89.1 FM. On va écouter du Creature un petit peu plus tard, mais avant, voici la chronique Go Go Gadget. Go Go Gadget, ta mère! Yahoo! Gadget, ton chapeau! Go Go Gadget, ton poing! Qui c'est? Elastico Gadget! Il me semble que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de chronique Gogo Gadget. Je sais pas si je vais être capable de le faire. On commence avec un gadget pour iPod. Si vous cherchez une autre façon de briser votre iPod, peut-être, je sais pas. Mais il y a un gadget qui vous permet de le brancher, de le connecter, de l'imbriquer dans votre vélo. Hein? Bon. Donc, c'est un genre de rack simplement avec de la mousse là, qui fait que vous pouvez ajuster ça entre 40 mm et 75 mm de largeur. Donc, vous pouvez ajuster ça à plusieurs gadgets différents. Il y a aussi une petite balle qui fait que vous pouvez le mettre dans l'angle que vous voulez. Mais là, vous faites du vélo, vous avez votre iPod devant vous. Est-ce que ça fait pas justement que vous allez vous concentrer sur votre iPod et non sur la route et vous allez faire un accident? Peut-être qu'une solution plus simple serait juste de lancer votre iPod à terre. Il me semble que ce serait déjà plus facile que de payer 15$ sur usbfever.com. En plus que vous payez seulement 15$, donc ça se pourrait qu'il ne soit pas tellement de qualité. Mais bon, donc, back mount holder for portable devices. Si vous voulez rendre votre soirée jeu de société un petit peu plus classe, pourquoi ne pas acheter la version deluxe de Clou? Oui, Clou. Très, très cher. Ça coûte 150$. C'est vraiment un panneau de bois. Avec, en fait, c'est à 9 pouces d'épaisseur. Il y a des pièces là-dedans. Donc, chaque pièce, au lieu d'être juste un dessin, c'est vraiment une pièce avec des mini-meubles. Donc, dans le 9 pouces, là, il y a des meubles. Il y a un décor, des murs, des tables, des lampes, des affaires comme ça. Et puis, vos petits icônes, vos petits pions, là, sont tellement jolis, sont de couleur or. Donc, c'est très, très classe. C'est le Clou Premier Edition pour 150$ chez Restoration Hardware. Allez voir lunechance.com pour tous les liens, évidemment, de la chronique GoGo Gadget. Si vous êtes dans le domaine de l'enregistrement sonore, peut-être que vous faites des entrevues, peut-être que vous avez des conférences à enregistrer. Au lieu d'amener un didactyphone, un cossin pour une enregistreuse, à la place, c'est un petit gadget qui se branche dans la prise micro de votre portable. C'est tout petit, là, c'est de la grosseur, sérieusement, d'une prise d'écouteur, là, cette affaire-là. C'est tout petit, tu sais, les prises d'écouteurs pour les adaptateurs d'écouteurs. Bon, là-dedans, il y a un micro qui enregistre jusqu'à 32 pieds. Malade, quand même. Ça coûte... est-ce que c'est marqué, le prix? Non, le prix n'est pas marqué, mais bon. Ça ressemble à un genre de chose Bluetooth, là, tellement que c'est tout petit. Il n'y a personne qui va se rendre compte. Donc, vous pourriez peut-être même enregistrer des choses que vous ne devriez pas enregistrer. C'est le Narae Inter... c'est Recorder Mini pour notebook PC. Unechance.com, c'est le lien, le Narae Recorder Mini. Gadget que je dis vraiment, waouh, il était comme tant que ça existe. Tu sais, ça n'existait pas avant, mais là, je me demande comment ça se fait que les gens vivaient sans ça. C'est des post-it transparents. Hein? C'est pas génial, ça? Vous pouvez écrire directement sur le texte et voir au travers. Hein? J'adore ça. Vous pouvez enregistrer des bouts de choses ou faire des petits dessins à côté. Génial. C'est des sheer post-it notes. C'est génial. Allez voir ça. Ensuite, je vais en sauter quelques-uns. Je vais vous laisser aller les voir sur Internet, dont une machine pour pêcher des homards, mais en vrai, des vrais homards. Mmh. Vous savez comment j'aime parler d'horloge quand je fais une chronique Google Gadget. Ou ceux qui ont un gadget horloge ou montre, quelque chose qui a rapport avec ça, ça m'intéresse. Donc ça, c'est un autre alarme. Il est fait pour ceux qui ont l'habitude d'appuyer sur snooze 15 fois, là, puis de faire que l'alarme s'en aille. À un moment donné, c'est après 15 coups, ça arrête de sonner. Cette affaire-là, ça s'éteint complètement. Donc ici, c'est une alarme qui vous réveille, mais il faut utiliser un laser que vous tenez dans votre main pour centrer ça sur une cible située de l'autre côté. Non, en fait, on est sur l'alarme en tant que telle, mais vous devez mettre l'alarme de l'autre côté de la pièce. C'est encore plus efficace. Chic! Aussitôt que tu appuies avec le laser sur la cible, c'est là que ton alarme s'éteint. Ça fait très, très Star Trek. C'est sur ThinkGeek, le site de ThinkGeek. J'adore ça. Ça coûte 20$. ThinkGeek.com. Ça s'appelle le Laser Target Alarm Clock. Ça, c'est vraiment, vraiment un bon gadget pour cet été, pour moi, pour vous, pour tout le monde. C'est un genre de... comment t'appelles ça? Faut mettre de la bière dedans, un cooler. C'est un cooler, simplement. Un cooler téléguidé. Donc, vous mettez votre bière dedans, vous mettez le couvercle, vous avez une télécommande, vous pouvez contrôler à distance jusqu'à 30 pieds. Ça dit pas le prix, là, en tout cas pas dans l'article, mais ça s'appelle... c'est sur le site de solutions.com, le RC Cooler. J'adore ça. C'est 70$. Là. Pas cher quand même pour un gadget comme ça. J'ai aussi posté un article avec une douche extérieure. Ça coûte 830$. Sérieusement, on branche une hose, tout ce qui est plus normal, dans ce tuyau-là, et ça devient une douche que vous pouvez mettre à l'extérieur. Peut-être si vous allez faire du camping. 830$, c'est un peu cher, par exemple. Screw Outdoor Shower. Voilà donc pour la chronique GoGo Gadget. J'aime bien faire cette chronique une fois de temps en temps quand j'ai le temps. GoGo Gadget, les liens sont sur le www.unechance.com. Unechance.com, mais quel bon site! Voici Creature et Bridget Bardot. On parle technologie informatique et jeux vidéo à la connexion pour encore une petite demi-heure. My rhythm and leave this town, 'cause I wanna hit a place that is off the ground. So I get into a spaceship and get up and get down. Satellite. Bridget Bardot? Are you crazy? Kids say they know Bridget Bardot. What do they know? Would you get high with Bridget Bardot? Pass the Dutchie, baby. Roll the red carpet, rock and roll. Inside, outside, everybody go. Get into a spaceship made of gold. Cause we're heading to a party where the people all know that it's time to live it up and let the good times roll. Je m'ennuie, dance with me. Tout le monde ensemble, allons-y. Let's be free, oui, oui, chérie. Won't you come and play with me? Bridget Bardot! Maintenant, voici le quiz musical de la semaine. Quel est ce jeu sur Sony PlayStation? La réponse au retour de la pause à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo au 89.fr. Avant la pause, je vous ai demandé de nommer ce jeu sur PlayStation. La réponse, Tomb Raider, The Last Revelation. Bonjour, c'est la dernière demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, l'émission la plus rapide au monde. On va faire le bloc F5, science et technologie dans quelques secondes, encore un petit peu de nouvelles. Après ça, on parlera des nouveautés vidéo sur Internet avec la chronique sur l'écran de votre radio. Et on finira avec un tour du net dans la chronique autour du net. Tout ça dans un condensé de plaisir. Mais avant, voici The Hives et Won't Be Long. On revient dans pas long, Won't Be Long. Parle pas de temps. Reste là, toi. Toi aussi. City went to my head, so I won't stick around. be around for the good times, won't be around for the bad, and I won't stick around in this town. No, I'm getting out instead. The Hives avec Won't Be Long, une autre pièce du palmarès anglophone, ça vient de leur album The Black and White Album. Maintenant, c'est le bloc F5, science et technologie. Donc, parlons des nouvelles qui n'ont pas rapport avec les ordinateurs ni avec les jeux vidéo. On commence avec le pape Benoît XVI qui prend le virage techno lors des Journées mondiales de la jeunesse qui se dérouleront en juillet en Australie. Le Saint-Père utilisera de nouveaux moyens de communication pour rejoindre les jeunes. Il leur enverra des messages de textes spirituels directement sur leur cellulaire. Cet événement rassemble des jeunes du monde entier pour qu'ils célèbrent et approfondissent leur foi. Selon Mgr Anthony Fisher, coordonnateur des activités pour ces Journées mondiales de la jeunesse, le pape Benoît XVI, âgé de 81 ans, va utiliser de nouveaux moyens de communication pour rejoindre les jeunes dans leur environnement social. Tous les jours, des messages de paix et d'espoir sont envoyés à tous ceux et celles qui le voudront bien. De grands murs à affichage numérique seront installés sur les différents sites de l'église, de visite de l'église et sur les différents sites de visite, et l'église va mettre sur pied un site web de réseau social, une espèce de Facebook catholique destiné à rassembler les jeunes participants. Le premier événement du genre a eu lieu à Rome en 86. Depuis, ces Journées mondiales se déroulent tous les deux ou trois ans. Les dernières se sont tenues à Cologne en Allemagne en 2005. L'opérateur mobile britannique Vodafone a conclu une entente avec Apple afin de distribuer l'iPhone dans 10 autres pays. Après l'annonce la semaine dernière de Rogers pour le Canada, c'est au tour de Vodafone de confirmer mardi la sortie prochaine de l'iPhone en Australie, en République tchèque, en Égypte, en Grèce, en Inde, en Italie, au Portugal, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et en Turquie. Tout comme l'opérateur mobile canadien Rogers, Vodafone commencera à distribuer l'iPhone dans ses 10 pays vers la fin de l'année. À partir de ce moment, le téléphone cellulaire sera donc disponible dans un total de 17 pays, incluant également les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Irlande et l'Autriche. Dans son annonce, Vodafone n'a cependant fait aucune mention de la sortie d'une deuxième version de l'iPhone qui utiliserait le réseau 3G plutôt que le réseau Edge, beaucoup plus lent. Selon les rumeurs, la nouvelle version du téléphone cellulaire pourrait être lancée aux États-Unis dès le mois de juin. Les nouveaux pays recevraient alors donc cet exemplaire directement. D'ailleurs, selon la firme de recherche en marketing IDC, il est indispensable pour Apple de présenter prochainement une version 3G de l'iPhone afin de rester concurrentiel et de franchir le cap des 10 millions d'exemplaires vendus. Toujours au sujet de Apple, si vous possédez un baladeur iPod acheté avant le 24 juin 2004 et que vous demeurez au Québec ou en Ontario, sachez que vous pourriez recevoir une indemnisation de 45$ du fabricant Apple. L'entreprise californienne a décidé de régler la note suite à deux recours collectifs déposés respectivement au Québec et en Ontario. Les deux plaignants accusaient le fabricant de mentir au sujet de l'autonomie des piles du baladeur. Chez Apple, on annonçait que les appareils avaient une autonomie de 8 à 10 heures. Mais dans les faits, la deuxième année de vie, les plaignants ont démontré que l'autonomie du baladeur passait plutôt à 2 ou 3 heures après une charge complète. Pour plus de renseignements au sujet du règlement, il faut visiter le site de la firme legaladvocates.ca. Voilà. Je vous ai posté un article un petit peu plus complet de technote.ca par rapport à ça. Si vous voulez aller le lire, c'est sur le www.unechance.com. La réplique de Microsoft au populaire iPod d'Apple arrivera finalement au Canada le 13 juin. Trois formats différents du lecteur numérique Zoom seront alors offerts pour un prix allant de 140$ canadiens à 250$ canadiens. La Zoom permet de visionner des vidéos et des images. Ses utilisateurs peuvent aussi écouter la radio FM, ce que le FM que le iPod ne le fait pas, ainsi qu'échanger des pièces musicales, des photos et des balado-diffusions avec d'autres utilisateurs à proximité. La Zoom se distingue aussi par son aspect social, qu'ils aiment dire social, puisqu'il permet aux utilisateurs de voir quelques pièces de leurs amis. Quelles pièces leurs amis écoutent plutôt, et d'afficher leurs propres critiques. La porte-parole de Microsoft au Canada, Elana Zur, affirme que cet aspect social permet aux Zoom de se distinguer du iPod tout en offrant une alternative aux consommateurs canadiens. L'éditeur américain de logiciels Microsoft va proposer à la vente 800 épisodes de séries télévisées par le biais de son baladeur Zoom, justement, afin de relancer ce produit face à la concurrence de l'iPod, le grand rival commercialisé par le groupe Apple. Outre l'enrichissement du catalogue de la Zoom, Microsoft a également annoncé la mise en place de nouvelles applications, notamment la possibilité d'un partage limité de plages musicales entre utilisateurs, selon un communiqué publié. Ces évolutions visent à dynamiser les ventes de la Zoom, lancée en novembre 2006, qui n'est jamais parvenue à contester la suprématie de l'iPod. Selon une étude du cabinet NPD Group, citée par le Wall Street Journal, la part de marché de la Zoom n'atteignait que 4% du marché américain au premier trimestre, contre 71% pour l'iPod. Pourtant, la Zoom, je trouve que ça a l'air d'un bon produit. T'sais, j'aimerais m'en procurer un. Je trouve ça bien. Je trouve que c'est bien fait. T'sais, en tout cas, les critiques sont bonnes aussi. Les adolescents et jeunes adultes de plus en plus nombreux à se passer de téléphone à la maison au profit de leur cellulaire sont la cible du nouveau service Uno de Fido. Le même service, cette fois baptisé Ma Zone Maison, a aussi été lancé simultanément mais discrètement par Rogers, qui est propriétaire de Fido, donc pour pas trop, je sais pas. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bon. Uno et Ma Zone Maison permettent à leurs clients d'utiliser que leur téléphone cellulaire tout en limitant le nombre de minutes facturées. C'est très intéressant comme service, écoutez bien. À l'extérieur de la maison, leur appareil se branchera sur le réseau cellulaire comme d'habitude. En revanche, une fois à la maison, leur téléphone se branchera plutôt à leur connexion Internet à haute vitesse via un réseau sans fil. Les minutes ainsi parlées ne sont pas comptabilisées au sein du forfait sans fil de l'utilisateur. C'est magique. Rogers et Fido fourniront gratuitement le routeur sans fil nécessaire à leurs abonnés. Mais ceux qui disposent déjà d'un routeur sans fil peuvent utiliser celui-ci sans rien y changer, ce qui est une autre bonne nouvelle. Le service se révélera particulièrement avantageux pour les grands utilisateurs d'interurbains. Pour 20$ par mois, les clients auront droit à des interurbains illimités via Internet. Un forfait à 15$ par mois donnant droit aux appels locaux illimités est aussi disponible. Fabuleux, 15$, c'est vraiment pas cher. Fait à noter, les clients de ce service peuvent se débrancher du réseau cellulaire pour passer par Internet partout où ils ont accès à un réseau sans fil, que ce soit au bureau, à l'école, au café Internet, etc. Pour l'instant, seuls 2 appareils, un chez Rogers et un chez Fido, sont compatibles avec le nouveau service. Et on dit environ 5% des ménages canadiens ne disposent d'aucun téléphone à la maison, selon les dernières données disponibles publiées il y a 2 ans. Il s'agit toutefois d'un marché en croissance, selon Rogers. Les adolescents qui ont grandi avec le cellulaire continuent avec le cellulaire quand ils arrivent dans un appartement. Ce que j'ai fait, ce que bien des gens que je connais font, pourquoi avoir un téléphone à la maison, c'est absolument inutile de nos jours. Voilà donc pour le bloc F5 Sciences et Technologies. Voici les mots-clés les plus recherchés en ce moment même sur Google. C'est le Google Hot Trends pour le 13 mai 2008. C'est les mots-clés qui sont montants en ce moment. Pas les mots-clés les plus recherchés, mais bien ceux qui montent le plus, ceux qui sont les plus populaires. On retrouve les nominations aux Tony Awards en première place, la diète Def Jam en deuxième, les Tony Awards en quatrième, la femme de nouvelle Anna Storm en sixième, les feux en Floride en treizième. Sinon, il y en a plein d'autres très intéressants. World Wide Telescope en 30e position. C'est vrai. Et puis un dernier, juste pour le plaisir comme ça. JetBlue Toilette en 81e position. Et Who Won the Bachelor? Qui a gagné le Bachelor en 95e position? Des mots-clés qui gagnent le plus de terrain sur Google en ce moment même. Voilà pour ça. C'était un beau moment, ça. J'aime bien ça. Pourquoi ne pas parler un petit peu de vidéos qui se retrouvent sur Internet dans la chronique sur l'écran de votre radio? Et connais-tu les deux frères plombiers? Héros, pas héros dans les jeux vidéo. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. OK, longue un peu comme intro, un peu. On commence avec une vidéo trouvée sur le site de Dominique Arpin. Vous savez comment il est très bon, ce patrouilleur du net. Donc, on patrouille le patrouilleur du net en ce moment. Avec la vidéo d'une culbute arrière dans une paire de jeans. Pub viral peut-être pour une compagnie de jeans, aucune idée. Mais le gars fait des culbutes littéralement dans des jeans. Donc, il part sur un lit, sur les épaules d'un gars et atterrit dans des jeans. C'est à aller voir sur lunechance.com. Il y a aussi un vidéoclip tourné grâce à des caméras de surveillance. toujours sur le site de Dominique Arpin, c'est la formation de Get Out Claws, un groupe amateur de Manchester qui a trouvé une façon originale et peu coûteuse de tourner le vidéoclip de leur chanson Paper, les caméras de surveillance du domaine public. Les membres du band se sont tout simplement plantés devant les nombreuses caméras de sécurité, il y en avait 80. Ils ont ensuite demandé les bandes vidéo aux responsables. Le Freedom Information Act aux États-Unis accorde en effet à tout individu l'accès aux documents les concernant, incluant les images vidéo. Donc finalement, le quart des entreprises contactées ont accepté de leur remettre le matériel. Si vous voulez voir, premièrement, lire l'histoire entourant tout ce groupe-là et ce qu'ils ont fait, et voir le vidéo en tant que tel, allez voir lunechance.com, ça s'appelle un vidéoclip tourné grâce à des caméras de surveillance. Y a un gars qui fait peur à sa tante. J'ai vu ça sur le site de YouTube. Hein? Donc c'est simplement un gars qui est tanné que sa tante laisse toujours la porte ouverte chez elle, donc il lui fait peur en se déguisant en Jason avec un masque. C'est... Faut l'entendre crier. Je pense que je vais simplement arrêter la musique et on va l'entendre crier. Got your basic Jason mask right here. Mon masque de Jason ici. Je vais m'amuser. Ok, avançons un petit peu. Jusqu'ici. Je crois que c'est là. Oui. Ah! It's a mask. You almost scared me to death, Douglas! On dirait une mauvaise actrice, t'sais. En tout cas. It's a mask, you see, Jason, the movie. Donc, très, très drôle comme vidéo. Ensuite, une publicité bannie pour des lunettes de soleil. Donc, non, pour des lunettes en tant que telles. Oui, des lunettes de soleil. Pas du tout. Des lunettes normales. On voit le gars avec la fille dans une voiture. Non, je peux même pas vous dévoiler le punch. Je vous dévoile le punch, ça vaudrait même pas la peine d'aller le voir. Mais disons qu'elle suce quelque chose et on comprend pourquoi ça a été banni juste après. Tiens. En tout cas, allez la voir et faites-vous votre propre idée. Ah, pourquoi pas. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on parlait d'un tableau dans Mario World qui se jouait tout seul. Mario World au Super Nintendo, tu touchais même pas à la manette et ça avançait tout seul, apparemment. Bon, c'est ce qu'on disait. Ici, à la place, c'est un gars qui a pris une pièce de musique. Ça dure 11 minutes, OK? C'est un tableau dans Mario World. Et puis, en faisant avancer Mario tout seul, d'accord, il avance tout ça. Il tombe sur des briques, des ennemis, et puis ça fait de la musique. Et là, il y a 11 minutes de ça, pour vrai. Mais quand, ça, c'est la musique de carte, là, quand on arrive dans le tableau. Normal. On entre dans le tableau. Et là, la musique devrait commencer. Je vais faire pause juste pour que ça se charge un petit peu avant. Toujours le fun à la radio. On aime bien ça. Là, voici. C'est ça? Mm. Ah! Ah! Que ça fasse ça. Bon. C'est très, très, très bon. Ça pour vous dire que je vais laisser charger. On va finir avec ça tantôt, OK? Je vais laisser charger pour l'instant. Autre que ça, ne pas lancer des trombones à un collègue de travail parce que ça pourrait mal tourner sur ce vidéo de YouTube. Encore une fois, c'est un homme qui décide d'envoyer des trombones à son collègue. Il n'aurait pas dû. C'est ce que ça dit parce qu'il se met à se lancer sur la table et lui fesser des coups. Bon, ça commence comme ça, ensuite. Le gars... Les écrans, les ordinateurs partout, le sac à terre. Ça, il fait ça dessus. C'est violent. Aucune idée si c'est vrai, tu sais. Que c'est sur YouTube, ça veut pas dire que c'est vrai. Hein? Ensuite, une publicité de Coca-Cola qui est vraiment impressionnante à aller voir. Ça se passe dans un cinéma et à l'extérieur aussi du cinéma parce qu'il y a des choses qui se passent dans ce genre de rêve, si on veut. Un petit garçon versus un joueur de... un gars qui joue du tuba. Simplement, donc c'est simplement le petit gars qui passe dans la foule de musiciens. Qu'est-ce qui se passerait si... est-ce que c'est Halo? Si Halo avait été fait par Nintendo. C'est un petit clip cocasse. La musique est repartie. Ah! Là, ça devrait plus arrêter. Faut pas la laisser aller. Pendant qu'on parle rapidement du reste des choses qui sont passées sur l'écran de votre radio, un petit minou sur un tapis roulant. Oui, un chat qui fait des tapis roulants, c'est très très beau. Un Soulon qui se jette en bas d'un pont avant que les pompiers ou que le camion pompier puisse arriver. Il se jette directement par terre. Ensuite, quelques vidéos sur le site de Funny or Die qui sont très très drôles cette semaine. Piracy PSA, une annonce anti-piratage. Et Making Music with John Mayer. Ça a vraiment été très populaire sur Internet. Une publicité parodie pour le MacBook. Vous savez, MacBook Air, comment il y a la publicité? Bon, le PC, le portable est dans une enveloppe. Ils disent, bon, c'est très, très mince. Mais là, la parodie, c'est le MacBook normal, pas Air. MacBook, et il chante la petite chanson en genre d'acapella. Puis ça dit MacBook. C'est assez mince quand même, ça. Hein? Pas besoin de plus mince que ça. Ah, il faut aller voir ce vidéoclip-là. Il y en a tellement de bonnes choses qui sont passées sur l'écran de votre radio cette semaine. Un vidéoclip fait entièrement avec le bureau de Mac OS X. Hein? C'est impressionnant à voir, pour vrai. Presque autant que cette vidéo de Mario qui est en train de jouer derrière moi. Un grand succès sur toute la ligne. Hein? Je ne l'atteindrai jamais. 11 minutes, c'est pas assez long, ça. J'adore ça. L'autre, c'est un vidéoclip composé à partir d'éléments de Mac OS X, dans le fond. C'est par Dennis Liu, qui est un cinéaste, si on veut, qui a pris la chanson Again and Again de The Bird and the Bee, une très bonne pièce d'ailleurs. Et puis, on voit les choses se passer sur l'écran de son Mac OS X avec une très, très jolie fille qui chante. Et puis, les images se défilent l'une à la suite de l'autre. Au début, ça commence très lentement. Tu te demandes, hein, je sais pas, il me semble que c'est pas si bon que ça. Ça devient bon par la suite. Hein? Évidemment, ça ne sert pas à grand-chose de vous le faire jouer à la radio parce que vous ne le verrez pas, mais c'est juste vraiment beau. The OS X Desktop as Music Video. Allez voir ça sur le www.unechance.com. Plus rapidement pour le reste, un jeune garçon qui joue de la guitare, Metroid réimaginé en 2D au lieu de 3D. Il y a l'horloge GameCube, j'en veux deux. Sérieusement, c'est un GameCube avec une horloge dedans. Très, très beau. Vous rappelez peut-être les vidéos Will It Blend sur Internet, c'était très populaire, il y a un petit bout, tout a été mis là-dedans, que ce soit des iPods ou des Nintendo DS. Cette fois-ci, c'est la Wiimote de la Nintendo Wii. Est-ce que ça se mélange dans un blender de la compagnie qui fait ces blenders-là, parce que c'est eux qui ont parti cette genre de campagne-là. Et puis finalement, Megaman qui rend hommage à Super Mario Bros. Pas super réussi, je l'aime un petit peu moins celui-là. Un petit peu moins. J'ai posté aussi sur le site www.unechance.com quelques jeux pour le bureau, dont Attack of the Buggles, Trackmania Nations Forever, un jeu de course, Mobley Tower, qui a l'air très bon, Topple, Shirt et Allen Probe Amateur Surgeon. C'est dans la section jeux pour le bureau du unechance.com. Et finalement, tiens, on va faire un petit tour du net rapide, parce que comme toujours, c'est la fin de l'émission, donc les choses vont très très vite au tour du net. Okay, on va faire ça aussi vite que l'ordinateur veut bien charger les sites les uns après les autres. On sait comment ça se passe dans ce monde-là d'ordinateur où tout va lentement. On commence avec manbabies.com. Vous avez peut-être entendu parler de ça via Dominique Arpin. Donc, c'est manbabies.com, un site où on prend des photos et on échange les faces des bébés avec des faces d'adultes. Donc, partout, le bébé. C'est très bien réussi. Face de petit garçon sur le gros corps et puis face de gros bonhomme sur le petit corps d'enfant ou avec les parents, les mamans, les bébés, tout ça. Il est très, très, très... Il est cute! Oh, il est cute! Alors, en tout cas, donc manbabies.com, une table en forme de manette de NES. C'est une modification d'une table très, très réussie. Et le pire, c'est le fait que ça fonctionne vraiment. Vous pouvez vraiment jouer avec. Donc, c'est un petit peu un copiage de ce que la chaîne G4 avait fait dans le temps, il y a peut-être 2 ans de ça, mais cette fois-ci, encore plus belle, encore plus réussie avec une vitre dessus, c'est très très beau. Donc, allez voir ça. J'ai posté une barge de publicité de Nintendo du bon vieux temps. Non seulement des récentes, avec le cowboy dans les pubs de Mario Kart Wii, mais aussi des beaucoup plus anciennes, avec entre autres des pubs de Nintendo 64, du Game & Watch de 1983, de Legends of Zelda en 87, Metroid, de 4 pages x2, donc 8 pages de bien publicité de Nintendo à aller voir sur lunechance.com en ce moment même. Rock Band, un gars qui joue à Rock Band, et apparemment Rock Band le déteste. En fait, le gars, c'est un vrai musicien. Et là, il s'essaie à Rock Band et se rend compte qu'en fin de compte, c'est pas pareil comme dans la vraie musique. Vraiment pas. Une brève historique de voitures qui foncent dans des murs dans des sitcoms américaines. Sur Brain Filler, College Humor, c'est là-dessus, unechance.com. Des choses qui sont plus jeunes que le candidat à la présidence américaine, John McCain. Des choses qui sont plus jeunes que lui. Entre autres, la défibrillation, le Golden Gate Bridge. Le spam est plus jeune que John McCain. Sinon, un concept de la NES refait. Il y a aussi l'archive de télévision du 11 septembre, tout ce qui s'est passé à la télé le 11 septembre. Et puis un PC en forme de boîte à lunch. Mais en fait, c'est une boîte à lunch avec un PC à l'intérieur de Super Princess Peach. Donc tout ça sur lunchance.com. Allez-y maintenant, je vais vous attendre. Moi, c'est tout pour cette semaine. Trop de choses se passent sur Internet à chaque semaine pour les couvrir en dedans de deux heures. Donc, merci d'avoir été là. Moi, j'ai vraiment passé un très bon moment avec vous. Je vous retrouve la semaine prochaine, tous les jeudis à partir de 11h. En rappel, tous les mardis à partir de 11h. Oui, en rappel, les jeudis à partir de 11h. Et lundi, on avance d'une heure. On est à 10h au lieu de 9h maintenant les lundis. Donc, mardi, jeudi, 11h. Lundi, 10h, c'est les heures à retenir. Je vous retrouve aussi au poste d'écoute, l'émission des découvertes musicales. On les découvre en même temps que vous pour la première fois, les vendredis matin à 10h. Et dans un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir, ça s'appelle Les Palmarès C'est fou, les vendredis soirs à 17h. De la part de toute l'équipe fictive de la collection, faites attention à vos genoux. Bonne semaine et bonne chance. Bye bye. Dash.com.